Un jardin, c'est fort beau, n'est-ce pas? Mettez-y un marmot, ajoutez un vieillard, c'est ainsi que Dieu fait. Combinant ce que le cœur souhaite avec ce que les yeux désirent, ce poète complète, car au fond, la nature, c'est l'art. Les roses par l'enfant, l'enfant par le vieillard. L'enfant voisine avec les fleurs, c'est de son âge. Et l'aïeul vient, sachant qu'il est du voisinage. Et comme c'est exquis de rire au mois d'avril, un nouveau-né vermeil et nu jusqu'au nombril, couché sur l'herbe en fleurs, c'est aimable, ô Virgile. Hélas, c'est tellement divin que c'est fragile. Paul est d'abord bien frêle et bien chétif. Qui sait, vivra-t-il? Un vent noir, lorsqu'il naquit, passait, souffle traître. Et sait-on si cette bise amère ne viendra pas chercher l'enfant après la mère? Il faut allaiter Paul. Une chèvre y consent. Paul est frère de lait du chevreau bondissant. Puisque le chevreau saute, il sait que l'homme marche et l'enfant veut marcher. Et l'aïeul patriarche dit: c'est juste, marchons. Oh, les enfants, cela tremble. Un meuble est charybde, une pierre est Scylla. Leur front penche, leurs pieds fléchis, leurs genoux ploient. Mais ce frémissement n'ôte rien à leur joie.